Voilà, c'est parti. Bon, sujet de la soirée, le contact en relation avec ses manifestations et ses applications concrètes. Si on parle de contact, évidemment, on parle d'une communication intérieure et conséquemment de quelque chose qui peut se présenter sous une forme astrale ou sur une forme mentale. Mentale dans le sens de directement de la vibration à l'action. Donc, conséquemment, c'est très difficile pour les gens qui n'ont pas encore saisi la différenciation entre on va dire une pulsion astrale puis une mise en vibration mentale qui est le contact. C'est très difficile à un certain niveau de voir le jeu de la manifestation ou des applications du contact sans être un petit peu biaisé par une interprétation de bien ou de mal, qui affecte en général l'aspect moral d'une personne qui est astralisée ou qui affecte souvent le caractère émotionnel d'une personne qui est qui est prise dans une polarité. Et c'est sûr que je pourrais directement dire le contact dans ces applications, ça fait ça, ça, ça, ça. Mais dans vos lectures personnelles, comme je l'ai mentionné, vous risquez d'être un petit peu biaisé par l'interprétation que vous allez en faire sur une base justement d'être astralisé. Toute personne risque à un certain niveau d'être sous le feu d'une émotion. Et moi, dans ma vie personnellement, ça m'a été donné de faire la différence entre les deux, puis de voir où, à un moment donné, le contact ne se manifeste pas pour des raisons, exemple, d'intégration ou d'expérience. Et c'est comme si on me laisse dans la poutine pour pouvoir justement vivre l'expérience, puis après ça, intégrer cette expérience-là pour en arriver à être neutre. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est un processus normal. Tandis qu'en général, les gens ont des grosses attentes face à l'affaire du contact. Ils veulent que le toaster parte seul le matin, que le café se fasse seul le matin à partir du contact. J'exagère, là, mais c'est parce que les gens voient le contact un peu comme E.T., comme un extraterrestre qui vient faire des interventions dans vos vies humaines pour pouvoir améliorer vos vies tout le temps. C'est pas tout à fait ça. Le jeu des forces, c'est de vous emmener à vous délivrer de vos peurs en vous les faisant vivre. Donc, c'est conséquent au fait que quand ils vous mettent en vibration, c'est pas toujours pour le fun. C'est pas toujours pour améliorer votre vie comme l'ego voudrait que ça se passe, facile, sans difficulté, et puis être pris en charge intégralement par les forces. C'est zéro de ça. T'sais. Donc, il y a à considérer, avant que je commence à parler des applications concrètes du contact, j'ai un peu comme à faire une mise en garde sur les attentes que vous avez, qui sont des attentes à caractère astral, qui sont de voir les forces comme une divinité ou un élément de force suprême qui vous protège, mais protéger dans le sens de vous éviter de vivre le mal. Les forces, c'est pas ça. C'est à la fois le diable et c'est à la fois l'enfer et le ciel dans l'expression qu'on se fait au niveau de l'âme. Et c'est les deux. Pourquoi? Parce que comme j'ai déjà mentionné sur d'autres conférences, d'autres CD, les forces se servent autant des énergies de contraction que des énergies d'expansion. Une énergie de contraction, c'est une énergie qui sous-tend le mal, qui sous-tend une certaine forme d'effort ou de souffrance pour arriver justement à avoir du coffre, à avoir de la volonté, de l'autorité, de l'impact. Et puis, le bien, il s'en sert surtout pour développer l'intelligence. Donc, vous avez à avoir à vivre constamment dans deux énergies, une énergie d'expansion qui est basée sur l'intelligence, puis une énergie qui est de contraction qui est basée sur le développement de la contenance et donc conséquemment de la volonté. Si vous comprenez parfaitement ce mouvement alternant, constamment alternant, entre des mouvements de choc à caractère contraction, donc à caractère, on va dire, pour les gens émotifs, mal, et que vous comprenez que par la suite, il va vous falloir appliquer de l'intelligence, donc de la lumière sur ces énergies de contraction, donc de mal, et que vous allez vous en sortir avec de l'intelligence, et qu'une fois que vous allez avoir équilibré ces deux énergies-là, vous allez automatiquement avoir une intégration, donc avoir un véhicule, donc un ego, qui est très neutre et conséquemment très efficace. Vous êtes aussi efficace que vous êtes dans l'ordre de votre vie initiale. C'est comme on vous met au monde avec un corps qui est initialement neutre, qui est initialement balancé et qui doit passer à travers une programmation de vie qui va débalancer occasionnellement votre véhicule. Et vous allez avoir, comme n'importe qui a une auto, vous allez avoir des réparations à mettre dessus, vous allez avoir à faire ajuster vos freins, ajuster vos transmissions, ajuster votre moteur, ajuster ci, ajuster ça. Et tous ces ajustements-là vont être faits ou occasionnés par des déséquilibres de votre programmation. Fait que vous avez dans votre programmation certains déséquilibres affectifs, émotifs, intellectuels, sociaux, financiers, ces choses-là, et qui sont liés, évidemment, à des, comme des obligations de passer à travers des énergies de contraction, des énergies de, qui vont développer votre contenance. Et quand ces énergies de contenance-là sont acquises par le biais d'une application d'une intelligence, et donc d'une force positive, donc d'une force qui règle certains problèmes, mais là, on dit, vous êtes intégré. Mais ça arrête pas le bicycle de rouler, ça arrête pas l'auto ou le véhicule de rouler, c'est dans le sens que vous allez rencontrer d'autres problèmes, parce qu'il va y avoir l'usure normale dans votre programmation de d'autres expériences à vivre. Dans la mesure qu'on comprend que le contact, il vous met un ego flambant neuf en naissance, et puis qui va vous faire vivre des expériences jusqu'à temps que vous en creviez, parce qu'il va y avoir l'usure éventuelle du véhicule. Comme nous autres, on prend une auto, on aura beau vivre 80 ans avec le même char, il va finir par avoir les tôles usées. Hein? Ben, ça, cette usure-là, qui est inévitable, est reliée aux expériences acquises qui sont éventuellement intégrées et qui vont éventuellement être neutralisées, qui vont vous permettre, quand vous allez mourir, d'avoir un autre véhicule plus tard, un autre ego, une autre âme pour aller continuer à vivre une démarche puis un développement. Donc, l'esprit use votre matérialité. Use. Quand vous vivez des déceptions, quand vous vivez de l'intégration, vous vivez de l'usure, vous vivez quelque chose. Quand vous vivez une déception, vous vous libérez d'une expérience. Puis quand vous comprenez votre expérience, vous l'intégrez. Puis quand vous l'avez intégrée, vous n'avez plus besoin. Ça crée de l'usure. Donc l'âme se fatigue de vivre certaines expériences. Mais se fatigue, ça veut dire qu'elle est... Elle a atteint le point soit de déception, de désillusion, qui l'amène progressivement vers une intégration. On intègre toujours après une déception, jamais avant. C'est impossible d'intégrer dans le plaisir. On intègre après une saturation de quelque chose. Donc, il faut bien comprendre que les personnes qui sont en voie de développement, c'est des gens qui vont vivre beaucoup d'expériences, beaucoup d'impressions, et que dans toutes ces impressions-là, ils vont vivre des déceptions. C'est la machine inévitable. Et que conséquemment, les manifestations du contact, c'est pas des apparitions de la Vierge, là, puis des apparitions de saints ou ces choses-là. Les manifestations du contact, c'est dans des zones de crise où il vous est comme égoïquement impossible de comprendre logiquement la façon de faire de ce style de vie-là. Et on va vous placer devant des impossibilités ou des possibilités qui ne seront pas sous le contrôle de votre ego. C'est-à-dire que l'ego ne pourra pas rationnellement dire « moi, je veux faire ça » puis accéder à ça. Il ne pourra pas dire « ben lui, moi, je fais la même chose que lui, comment ça fait que ça ne me donne pas le même rendement? » Vous ne pourrez pas, à un moment donné, arriver à dire « si tu fais ça, ça donne ça » strictement sur la base d'une mécanicité. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Les forces, ils vous plongent dans un bloc d'événements, et puis ils font vivre dans ces expériences-là un temps X de réussite, puis un temps X d'échec, pour vous faire voir que votre ego n'a pas le contrôle. Puis quand vous comprenez que vous n'avez pas le contrôle, il vous reste plus juste à comprendre à quoi ça sert de vivre ça quand tu n'as pas le contrôle, selon les forces. Et c'est là que quand eux autres se manifestent pour vous expliquer le pourquoi et le comment, du pourquoi ça marche puis pourquoi ça ne marche pas, que vous comprenez la vie. La vie n'étant pas ce que vous pensez de la vie, mais la vie, c'est ce que la vie vous fait vibrer dans la vie. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ce que je veux mettre comme accent là-dessus, c'est que le contact, les forces ne cherchent pas d'aucune façon à ce que vous ayez l'impression de contenir la vie logiquement. Ils veulent juste que vous soyez capable de passer à travers des expériences pour vous affranchir de toute forme d'émotion excessive ou de toutes sortes de jeux d'expériences qui peuvent vous amener à une peur quelconque. De vous affranchir de la peur, toute la game est là. Mon expérience après-midi où j'ai passé un cheveu de me faire frapper, toute la game était de rester mental après l'expérience, puis de passer assez rapidement le trip des jambes molles pour être capable de revenir à une conscience lucide puis de savoir quoi faire immédiatement après. Je considère avoir passé le test, malgré que les jambes molles, c'est pas sûr que j'ai passé le test à 100%. Peut-être que j'ai eu 85% de mon examen. J'aurais même pas dû avoir les jambes molles. Fait que, ça veut dire que être capable de référer à sa source pour s'expliquer la vie, c'est ultimement le cheminement du contact vers votre personne. Et ces manifestations se font soit dans des mises en vibration, pour ceux qui sont accessibles à ça, dans le sens qu'ils ne sont pas trop émotifs, pas trop bloqués au niveau des censures psychologiques ou ces choses-là. Et quand ils réussissent à vous faire voir ce qu'il y a à faire, au-delà de la perturbation d'une expérience de vie, là, ils vous rentrent dans des jeux d'application extrêmement concrètes pour mettre de l'intelligence dans le choc. Vous avez des chocs de vie. Les chocs de vie, si vous restez sur un questionnement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se manifester parce qu'ils ne peuvent pas vous donner de réponse. Les forces, ils vous font vivre l'expérience. Mais si vous n'êtes pas capable de donner de réponse au pourquoi de l'expérience, vous n'avez pas d'application concrète parce que vous n'avez pas de la capacité d'agir sa vibration. Vous avez juste une logique qui vous ramène tout le temps à une crainte, une peur, une limitation, une censure, un blocage. Conséquemment, eux autres, ils peuvent, à un certain niveau, se manifester par le biais d'une autre personne, mais vous allez psychologiquement être réfractaire à la mise en vibration de l'autre qui vous envoie pour vous la solution pour que vous passiez à de l'application. Fait que, tu sais, quelqu'un vit un choc, il vient me voir en consultation, je lui explique son choc. Je peux même, à la limite, la faire vibrer à personne sur la transformation à faire pour pouvoir passer à l'application, puis elle ne répond pas. Elle comprend, mais elle dit « Non, moi, je ne suis pas capable de vivre ça. » Bon, à ce moment-là, le contact ne peut pas se rendre jusqu'à la forme, donc il reste en état de suspension, puis vous avez un blocage d'énergie, parce que vous avez un blocage vibratoire. Puis savez-vous ce que c'est la conséquence de bloquer une vibration? C'est que c'est pire la prochaine fois. Fait que le blocage, il amplifie parce qu'il s'accumule. C'est comme un barrage, ça, cette affaire-là. Fait que votre censure devient de plus en plus grande. La peur crée une angoisse. Conséquence, une crise, mais une grosse. Un gros choc. Parce que tu n'agis pas dessus. Bon, fait que c'est sûr que vous allez dire, « Ouais, mais moi, ça ne me parle pas comme ça te parle. » Je l'entends souvent, celle-là, mais il y a une chose que je peux vous dire. C'est que c'est simple, hein, les forces, ça vibre. Ça pense, puis ça agit. C'est simple de même, là. Fait que si ça vibre, ça pense, puis que tu n'agis pas, il y a un blocage. Parce que là, quand ça vibre, puis que ça pense, la pensée ici, là, après, elle vient après la vibration. C'est un commandement, là. C'est pas ouais, je vais penser à ça. Non, non, non. Non, non, c'est ta pensée, là, c'est le commandement de la vibration. Là. C'est tu vibres, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu le penses, puis tu décides de ne pas le faire. Là. Ça, c'est l'ego qui vient interférer. Là. C'est parce que vous êtes pris avec une entité, en quelque part, dans le cadran, qui vous empêche d'agir, ou justement pour qu'il y ait un drame. Okay? Vous êtes astralisé, puis c'est le drame qui s'en vient. Parce que si vous vibrez, vous réfléchissez, qui est une façon de penser, réfléchir. Vous n'êtes pas dans l'action, vous allez être dans la réaction. Puis dans une réaction, la seule chose qui peut vous protéger, c'est une autre personne. En d'autres termes, à cause de votre réflexion, vous allez vous mêler dans un tourbillon. Et dans ce tourbillon-là, votre psychologie va tomber dans un jeu réactif. Vous allez tomber dans un mouvement affectif de réagir. Y a-tu raison? J'ai-tu raison? Je pense que j'ai plus raison que lui. Tu sais, il y a tout un... Dans la réflexion, il y a une recherche du contrôle. Dans la réaction, c'est une conséquence de la recherche du contrôle. Fait que vous allez voir dans vos attitudes que vous n'avez aucune constance, aucune permanence. C'est strictement réactif. Et réactif, c'est toujours un problème d'autorité. En tout cas, vous savez là, que j'ai écrit. Fait que si vous avez un problème d'autorité, ça veut dire que vous n'avez pas d'autorité. Puis quand vous n'avez pas d'autorité, c'est parce que vous n'avez pas de contenance. Fait que quand on est en réaction à de l'autorité, on réagit à quelqu'un ou à un environnement qui a de la contenance plus que nous autres. Et puis on veut affronter cette contenance-là pour démontrer une plus grande intelligence. Fait que c'est comme si l'astral cherche toujours à vous ramener sur le « je » pour pouvoir affronter les forces. Les forces, c'est vous. Pour que l'astral puisse vous battre, il faut qu'il vous batte avec l'énergie de votre propre esprit. Imaginez comment c'est tordu. Fait que c'est sûr que quand vous avez un problème de manifestation ou d'application concrète de qu'est-ce que ça pense ou de qu'est-ce que ça vibre, c'est qu'il y a un facteur de réflexion de cette énergie-là qui vient de votre source, qui est renvoyé vers la source comme pour briser le mouvement d'intelligence vers la matière. Fait que c'est ça le conflit principal de l'homme dans sa vie. Il ne peut pas vivre ses pensées, comme je vous l'ai expliqué, là, vibrer, tu penses, puis après ça, tu agis, à cause du facteur que l'astral a une puissance de réflexion par le biais du « je ». Vous enlevez le « je », vous avez, tu vibres, ça te commande par la pensée, ça te dit, en d'autres termes, ça te structure un mode d'action. Puis quand ça structure un mode d'action, l'action, à ce moment-là, ça devient toujours facile. C'est jamais difficile avec les forces. Quand c'est difficile, c'est parce qu'il y a de la réaction. Et puis, éventuellement, on se rend compte que les mouvements que les forces font, c'est des mouvements qui sont faits avec une vision beaucoup plus large que ce que l'ego est capable de gérer. Et puis, quand ce mouvement-là est poussé, est pulsé, ben l'ego, lui, il veut tout comprendre avant. Il veut des garanties. Mais ça marche pas avec des garanties, ça marche avec la certitude de la vie. Les garanties, c'est toujours des choses qui sont très relatives. Tandis que une vibration, si elle est sûre, c'est la meilleure des garanties. Parce qu'elle elle va faciliter les mouvements, elle va faciliter l'action, elle va faciliter les rapports avec les gens. Elle va faciliter les hasards, que l'ego considère être des hasards. Elle va faciliter ça pour que... ce qui doit être fait concrètement soit fait facilement. Quand c'est difficile, il y a toujours de l'astral dans le portrait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça, c'est le préambule à l'affaire. Maintenant, où est-ce qu'on sait que le contact se manifeste? Je vous ai dit, les forces utilise autant les énergies de contraction que les énergies d'expansion. Ce qui veut dire que quand vous êtes placé dans un événement difficile, c'est les forces qui laissent l'astral vous tester. Quand l'astral vous teste, elle vous polarise. Donc, elle divise votre mental en termes de bien ou de mal, en termes de vrai ou de faux, en termes de capable, pas capable, en termes de questions, pas de réponse. Et puis, ça, vous êtes à ce moment-là comme laissé tout seul, mal informé, mal exposé, si tu veux, au feu de la lumière, là, à la mise en vibration là, qui est claire et facile. Pour qu'il soit possible pour vous de développer de la contenance et de la volonté et une recherche éventuelle d'intelligence. Mais avant de passer à de l'intelligence, les forces qui vont faire, ils vont vous laisser dans le bouillon pour que vous développiez de la contenance et de la volonté. Jusqu'où ils peuvent aller? Jusqu'à passer proche de vous tuer, ils peuvent aller jusqu'à vous rendre extrêmement malade, à vous rendre extrêmement vulnérable dans des registres incroyables. Et il faut être capable, à ce moment-là, de savoir qu'il y a quelque chose qui mène le show, que c'est juste une game. Il y a des fois, c'est pas toujours évident que c'est juste une game. Des fois, on trouve que la game, là, en tout cas, ils font le scénario pour que ça soit réaliste, pas mal, tu sais. Et puis, de savoir que c'est une game, ça va des fois là, jusqu'à la dernière seconde, dernière minute. Vous avez quelque chose à régler, c'est une game, mais je vais vous dire, la game est tellement bien montée que votre test là, de contenance, là, des fois, ça nous amène à crier au secours, dire « Hey, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? » Puis des fois, il faut éviter d'être aidé pour passer le test. Puis c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a aussi des tests de contenance de l'échange. Fait qu'il y a des tests que c'est pour toi tout seul, puis il y a des tests qu'il faut que tu sois avec quelqu'un. T'sais, c'est aussi dur pour un célibataire de passer le test du couple que de passer dans le couple le test du mari ou de la femme chialeuse puis décapante. Là, okay? Fait que faut s'entendre qu'un test, c'est pas genre je suis dans le couple, OK, j'ai réglé le célibat. Non, t'as rien réglé. Puis être célibataire, j'ai réglé le problème du couple. Non, t'as rien réglé. T'as réglé strictement le fait qu'il faut que t'en arrives à être bien tout seul ou que t'arrives dans le couple à être bien tout seul. Être bien tout seul à deux, c'est aussi difficile qu'être bien tout seul. Fait que les tests de contraction, c'est des tests qui exigent de contenir l'événement, le temps que ça prend, de passer à travers l'interprétation psychologique, l'accusation, le « c'est de sa faute à lui ou à elle ». Tu sais, c'est tous ces éléments-là qu'il faut éliminer. Évidemment, vous vibrez quand il y a un problème. Et puis là, il y a deux façons de vibrer. Il y a vibrer pour que ça se règle, puis il y a vibrer pour amplifier le problème. Quand tu vibres puis tu te plains, tu amplifies le problème. Quand tu vibres de l'association pour trouver une solution, tu règles le problème. Bernard avait souvent dit, c'est bien important l'interface, puis c'est très, très important de savoir communiquer ce qu'on ne peut pas comprendre tout seul. Donc, il faut être capable de contenir tout seul, mais souvent de régler à deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai vu souvent que ce qu'on vibre seul, si c'est partagé par une vibration, pas par un problème commun, mais par une vibration d'intelligence avec d'autres personnes qui sont en dehors du problème, ça aide à régler le problème. Comme s'il y en a l'élément de neutralité d'une autre personne, ça devient un élément de dégagement de la situation de perturbation, de pression qui est axé là-dessus. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quelqu'un qui est pris dans le problème, s'il n'est pas capable de s'en sortir, c'est parce qu'il est polarisé. Donc, il n'est pas capable de revenir au neutre. Quand un individu fait simplement regarder, on ne parle même pas de donner son point de vue, là, mais qui fait simplement regarder la situation et qu'il se présente comme un activant pour trouver la réponse. Pas nécessairement celui qui va trouver la réponse, mais un activant. T'sais. Il y a un effort qui est mis à regarder le problème pour trouver une solution. Juste le fait d'être regardé différemment de ce que la personne, elle, vit dans sa polarisation, c'est déjà suffisant pour mettre en mouvement une autre façon de vibrer, pour arrêter de réfléchir puis arrêter de réagir. Arrêter de réfléchir, c'est extraordinaire. C'est fantastique, parce qu'au moins, là, t'arrêtes de bouger dans la tempête, là, puis t'arrêtes de faire des conneries là, qui amplifient le jeu de la tempête. Là. Puis l'autre, s'il réussit à arrêter ça, là, ça te permet de prendre une pause puis de commencer à voir clair. Moi, il y a des fois, quand je perdais des chats, là, je pétais les plombs, là, puis là, je demandais à quelqu'un, puis c'était même pas important de savoir si la réponse était exacte. Ce qui est important, c'est que ça me calme le pompon. Comprenez-vous? Puis même si j'allais vérifier, les dires de la personne, c'était toujours pas vérifiable, dans le sens logique du terme. Mais ça m'avait calmé le pompon. OK? Donc, ça m'avait arrêté de réfléchir à la situation puis de réagir. Puis là, avec le temps de pause, là, je pouvais m'amener à référer aux forces, dire, bon, ben pourquoi ça s'est arrivé? Puis là, il me donnait une réponse complètement différente de mon chum. Pas en termes de savoir qu'est-ce qui s'était passé avec le chat, mais en termes du pourquoi il m'avait zappé le chat. Et puis, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait, mais c'était ça. c'était intelligent. Il y a bien des affaires où c'est pas d'accord avec les forces, là, parce que ils ont un plan pour vous autres qui n'est pas nécessairement le plan que l'ego veut avoir. Et puis, quand ils veulent que tu passes par le petit trou de la serrure, ils vont te passer par le petit trou de la serrure, que tu sois content, pas content, d'accord, pas d'accord, oublie ça, c'est pas toi qui regardes le show, ça c'est sûr et certain. Fait que conséquemment, ils te mettent en vibration. Ils te mettent en vibration aussi proportionnellement à tes échanges avec les gens. Fait que si vous avez beaucoup, beaucoup d'échanges, comme moi, j'étais un gars qui est énormément mis en échange avec toutes sortes de gens, puis j'ai beaucoup de crédit pour influencer leur direction de vie. Fait que c'est sûr qu'ils me font vibrer plus que la moyenne, tu sais, dans le sens qu'ils me mettent en situation, si on peut dire ça de même, avec beaucoup plus de force puis d'intensité que quelqu'un qui communique pas puis qui se passe pas grand-chose dans sa vie autre que de s'occuper de son budget, là. Fait que, donc, si vous voulez avoir une vie dans les forces, échangez beaucoup, puis plus vous allez échanger, plus votre vie dans les forces, ils vont vous envoyer en Afghanistan, en Turquie, en tout cas, des places que c'est hot, en Irak, puis vous allez voir péter des bombes à côté de vous autres. Fait que plus, donc, il y a de l'échange, plus il y a de la mise en vibration, plus il y a de la mise en vibration, plus il y a de pensées qui circulent, plus il y a d'opinions qui circulent. Puis plus votre parole a du crédit, bien plus le canal est échauffé. C'est ce qui vous protège contre les initiations, c'est qu'on ne vous donne pas de crédit dans la vie. Parce qu'en n'étant pas absorbé, bien ça n'a pas de conséquences. Mais si moindrement votre environnement vous absorbe, ça y est, le party commence. Conséquemment. Les forces se manifestent en amplitude par l'électricité que vous êtes capable de vivre. Plus vous êtes électrique, plus vous allez avoir de l'influence sur votre environnement. Plus vous allez avoir de l'influence sur votre environnement, plus votre champ de crédit ou votre crédibilité va augmenter, plus vous allez être exposé à des grandes réalisations et conséquemment à des gros obstacles. Plus il y a expansion, plus il y a énergie de contraction. C'est directement proportionnel. Pour aller aux Olympiques, comme on parle de ce temps-ci, parce que là, c'est les Jeux olympiques à Pékin, tous les athlètes qui ont été là ont connu un entraînement difficile. On s'entend qu'un gars comme Phelps, là, qui ramasse les médailles d'or comme dans une boîte de céréales, c'est impressionnant son affaire. C'est sûr que c'est un gars qui est probablement bâti pour faire ce qu'il fait, mais c'est sûr qu'il s'entraîne énormément. C'est sûr qu'il y a énormément d'énergie, de discipline, de contenance, de développement de sa personne. Et il y a de la souffrance là-dedans. Il n'y a pas juste... c'est pas juste facile. Je connais personne, moi, qui a fait des sports de compétition qui n'a pas forcé quelque chose. Forcé dans le sens qui s'est mis à être... à des niveaux, à des limites, à des niveaux d'exécution de son personnage qui n'était pas au max. Donc, facile à comprendre quand on parle de sport, mais imaginez-vous que toute la vie, c'est du sport. Se bâtir une maison, se marier ou vivre à deux. Parce que se marier, aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Là. Mais vivre à deux, avoir des enfants, éduquer des enfants, emmener un enfant jusqu'à 20 ans, là, tu sais, à se réaliser, puis ces choses-là. C'est tous des éléments de combat, des éléments de lutte qui demandent de vibrer beaucoup. Vous êtes obligé de vibrer ce que vous allez appeler vouloir. Vouloir, c'est les mises en vibration des forces pour vous donner une direction et puis vous garder une électricité dans le corps, un feu pour que quelque chose se manifeste. Il n'y a rien qui se fait dans la forme si ça n'a pas été vibré auparavant. Arrivez-moi avec n'importe quel intello, mettez-moi-en 400 dans une salle, 400 qui ont des idées, strictement des idées, et donnez-moi un Phelps, là, un gars qui veut, OK, qui est électrique, qui a une passion, qui a une intensité dans ce qu'il fait, puis il va toutes les bouffer, vos 400 intellectuels, par des résultats hallucinants. Pourquoi? Parce qu'il vibre, il pense, il agit. Puis je me demande même s'il pense. Il doit vibrer puis agir là-dessus, OK? Tandis que l'autre, lui, il vibre, il réfléchit, il analyse, il compare, il fait des statistiques. Je sais pas où est-ce qu'une personne peut s'imaginer qu'en étant désarticulé, haché aux petits morceaux, où est-ce que ça peut être cohérent. Alors qu'une personne qui vibre du gros électrique, du gros fil de transport, elle va poser un axe, ça va être pfiou, instantané, rapide, pas de questionnement, pas de peur, pas de malaise, pas de si. c'est sûr que cette personne-là va être capable de faire quelque chose de plus concret. C'est quoi les applications concrètes des forces? C'est toute certitude qui s'applique dans une décision, que l'ego pense être une décision, qui est instantanée. Tout ce que vous faites avec du taponnage puis du doute, là, ça, c'est interféré par l'astral. C'est-à-dire que l'astral réussit à vous mettre un freinage dans votre mouvement, tout le temps, tout le temps. Fait, il y a du doute, automatiquement, la manifestation des forces est coupée dans son champ électrique. Votre champ électrique, votre énergie électrique, développez-la. Vous êtes sûr, agissez. Moi, je dis aux gens, vivez vos pensées. Parce que ta pensée, elle a un terminal dans la forme. Il y a toujours dans une pensée un terminal. Il y a toujours quelque chose qui doit être fait. Moi, des fois, là, je m'entraîne, vous allez voir comment je fais mon Nautilus, je m'entraîne à faire ce qu'ils me disent de faire dans une maison. Il y a tellement d'affaires à faire, c'est hallucinant. Puis à un moment donné, tu dis, je ne pognerai jamais le fond. Tu sais, surtout quand tu vis dans une vieille maison, je ne pognerai jamais le fond. Il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, blablabla. Puis, ils me disent tout le temps, c'est pas important, un petit peu. Un grand voyage commence toujours par un petit pas. Proverbe chinois. Puis, un paquet d'actes puis de gestes pour te casser une maladie de vouloir faire des choix. On maudit qu'on veut choisir. Ça a-tu de l'allure? On veut choisir ça, ça, ça, puis on veut pas le reste, puis le reste est important. Puis on sait que c'est important, mais on voudrait choisir de faire ça. Fait que, il faut comprendre qu'à un certain moment donné, il y a des âges où, hein, on parle pas des petits jeunes de 30 ans ici, il y a des âges où on est fatigué de faire certaines choses, et puis on pense plus à le faire. Fait qu'ils te font vibrer les fosses, m'en dis donc à Richard de tondre ton gazon. L'ego, lui, il réfléchissait à ça, ça coûte 25$ à toutes les 3 semaines, tu te quittes. Puis là, à un moment donné, tu dis non, moi, le faire tout seul. Là, tu fais tout ça, tu reviens chez vous, là, t'es enflé, là, t'as de l'air d'une rognure de maringouin qui te pique. Ils te font vibrer, ils demandent les dents, Richard. Là, tu penses, puis t'agis, tu vas voir Richard. C'est instantané, c'est facile, c'est pas compliqué, puis tout se fait. Bon, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec le gros bon sens? Les forces, c'est le gros bon sens. Votre réflexion égoïque, c'est du gros bon sens qui est trop questionné. Vous, à un moment donné, vous mêlez à la sauce. Vous fuckez à la sauce. Et puis, moi, des fois, il faut que je fasse ce que j'aime. Puis, on dirait que je commence à questionner, je vais être capable. Puis ça, c'est dangereux. Vous ne serez jamais assez vieux, même à 80, vous ne serez jamais assez vieux pour ne pas faire ce que vous aimez. Vous êtes capable de faire ce que vous aimez indépendamment de l'âge. Pas du corps de désir, là. On parle réellement de quelque chose qui se vibre. Ça vient des forces. Si les forces ils vous passent la vibration, c'est que vous êtes capable. Il faut que vous ayez confiance dans votre système nerveux pour le faire. On a des pensées folles dans la tête, mais elles sont aussi folles qu'on a censurées. Hein? Oubliez-la pas, celle-là. Et puis, pour que le contact se manifeste, faut mettre de côté les censures qu'on a. Sinon, vous risquez de penser en petit vieux à 45-50 ans. Je vous le dis, là, ça s'appelle pour l'ego vivre ses rêves. Si vous avez des rêves si vous avez des mises en vibration qui vous passent dans la colonne, faites-les. Je vous jure, faites-les. Sinon, vous allez vieillir avant votre temps. Puis je vous le dis, là, l'affaire de le gaz, le prix du gaz augmente, puis le ci, puis le ça. Si vous avez un trip de Hummer, si vous avez un trip de voyage, si vous avez un trip de n'importe quoi, vivez-les pendant le temps que l'électricité est facile à vous passer dans le cadran. Parce que si, à un moment donné, il arrive des obstacles majeurs au niveau santé ou n'importe quoi, ça va être à cause que vous n'avez pas fait ce que les forces voulaient vous faire vibrer. On est malade de bloquer l'énergie. On n'est jamais malade à laisser passer l'énergie. OK? Fait que vos censures psychologiques, c'est des niques à problèmes de santé, c'est des niques à problèmes financiers, c'est des niques à toutes sortes de genres de problèmes. Vous allez me dire, ouais, mais on risque de se mettre en danger ou de ci ou à ça à faire ce qu'on vibre. Faites confiance aux forces, vous allez mourir anyway. puis votre date est déjà marquée. Tout le monde ici est comme une canne de lait, vous avez toute une date d'expiration. Fait que vous allez crever, ça c'est certain. Moi aussi. Qu'est-ce qui est concret? Pour la plupart des gens, c'est de l'acquisition. Fait qu'ils vont dire, ben moi, si j'ai une job, j'ai un salaire, j'ai ci, j'ai ça. Ça, c'est concret. À chaque fois que vous vous plaignez quelque chose que vous voulez avoir et que vous n'avez pas, vous mettez une barrière entre cette affaire-là et vous autres. En d'autres termes, pour que vous puissiez acquérir quelque chose, il faut que vous soyez sûr de l'avoir. Si vous nourrissez votre projet ou votre recherche de propriété, si vous nourrissez ça de doutes, vous ne pourrez pas l'avoir. Parce que vous allez le voir négativement. Vous allez le voir comme étant un obstacle et non pas un acquis. Un obstacle, on ne vous le donne pas. On le donne à un voisin pour que vous voyez que vous autres, vous n'êtes pas capable. C'est, en d'autres termes, vos pensées négatives se manifestent par l'acquisition qu'un autre fait de qu'est-ce qui est votre rêve. Fait, toi, tu rêves une Lamborghini, tu dis non, je ne suis pas capable. Puis là, tu envoies passer une dans le chemin. On te montre qu'il y a quelqu'un qui, lui, savait que c'était possible pour te faire voir que toi, tu t'es mis dans la tête que c'était pas possible. Les forces te font vibrer qu'est-ce qui est réaliste. Ton ego réussit à mettre ça au niveau du rêve. Puis là, tu le figes dans un rêve. Puis là, tu commences à être impressionné. L'impression se bâtit par le fait de rêver en passant. Fait que là, tu commences à rêver. Puis tout ce que tu réalises pas comme rêve, il y a quelqu'un qui arrive sur un stage puis il te le montre que lui ou elle est capable de le faire. Avez-vous rêvé de faire de la musique un jour? Oui, oui. J'ai toujours rêvé d'être un bon guitariste ou d'être un bon chanteur. Bon chanteur, j'ai acquis ça. C'est pas pire. Quand je fais une conférence, je chante bien. Mais c'est évident que la musique, ça, j'ai pas contrôlé le manche. Fait que quand moi, je vibre de jouer de la guitare puis que je le fais pas, il y a un Alexandre Lagoya qui ramasse que moi, je vibre, puis il ramasse mon capital qui flotte, puis il se l'approprie, puis lui, il joue bien. Mais il pratique, le gars, là. Tu sais, c'est du 8-10 heures par jour, puis ça devient un joueur écœurant de flamenco, de ci ou de ça. Ben, pas Lagoya, là, mais un autre, là. George Michael, mais un dénommé Michael. Et puis, ça, le contact, tout ce qu'il envoie vers un être, s'il est refoulé, il l'envoie vers un autre. Fait que tout ce que vous vibrez, que vous ne manifestez pas, c'est retourné vers quelqu'un d'autre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce que vous ne prenez pas, que la vie place, c'est ramassé par d'autres. Vous avez des idées d'écrire, vous avez des rêves d'écrire, vous dites non, moi je ne suis pas capable, c'est quelqu'un qui va le faire à votre place. Les fosses, quand ils vous envoient une mise à terre, une mise en vibration, qui est l'équivalent de la foudre qui frappe un terminal, ils vous envoient de la grosse énergie. Vous réussissez à fractionner ça par la réflexion. Il faut le faire. Si vous ne fractionnez pas l'énergie par la réflexion, ça descendrait direct dans l'action, puis ça ferait des affaires. Ça, c'est toute l'affaire de vivre. J'ai toujours le même message pour tout le monde. C'est drôle. Tu pourrais acheter juste ce CD-là que tu es en train de faire, là, puis tu arrêtes tes leçons de vie pour le reste de tes jours. Vibre. Vibre. Tu vibres. Make it. Pense-les pas si tu peux. Là, c'est sûr, c'est dur de ne pas le penser, là, parce qu'il faut quand même que tu aies un minimum de structure. Mais surtout, agis ce que tu vibres. Qu'est-ce que le monde a de la misère avec ça? Moi, j'en reviens pas. OK, c'est ça. Application concrète. Tout est aussi concret que vous êtes capable de voir que ce que votre imaginaire, mais c'est pas vraiment ça que je veux. Quand ils vous font vibrer, ils vous projettent des formes dans le mental pour contenir ce que vous vibrez. Les forces, quand ils font vibrer, ils vous collent des formes pour que... C'est un peu comme, tu sais, genre, tu as soif. Tu sais, la vibration, c'est tu as soif. Ils te présentent un pot d'eau avec un verre. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de mettre de l'eau dans le verre puis de le caler. Mais la vibration, c'est ta soif. C'est pas, t'as pas une vibration de fabriquer des pots d'eau, là. T'as soif. La vibration, c'est ta soif. Puis avec la vibration, il te présente une forme qui va répondre à ça. C'est ça, faut vous en arriver à comprendre, c'est que il y a toujours dans ce que vous vibrez quelque chose à faire. Et puis si le quelque chose à faire est compliqué, c'est parce que il y a bien du monde en ligne pour pouvoir faire qu'est-ce qu'il y a à faire. T'sais, c'est comme plus il y a d'intervenants dans la mise en vibration. Tu sais, des fois, tu peux être mis en vibration, puis il y a d'autres personnes qui sont mises à la même vibration, OK? Fait que tu es plusieurs sur la ligne à vouloir faire la même chose. Faut que tu te voyes à l'intérieur d'une file comme tu vas manger comme tout le monde. Ça, c'est un maudit blocage à l'application de la vibration. Vous avez peur d'en manquer. Peur d'en manquer, là, c'est gros, ça, peur d'en manquer. Puis là, à ce moment-là, tu réfléchis, tu réagis comment? Tu réagis défensivement. Mais quand tu réagis défensivement, la vie t'attaque tout le temps. Tu es toujours attaqué pour te présenter une zone d'insatisfaction, pour que tu en arrives à avoir la certitude de ne pas manquer. Hein? Fait que les fosses, dans le gros jeu de l'application concrète, c'est bien gros. Bien gros, toute votre vie, de vous sortir de la survie. Une survie au niveau de l'affectivité, t'sais, avoir de l'attention sur sa personne, avoir de la présence, avoir de quoi manger, de quoi se couvrir, se protéger. Chris, il y a 90 % de votre vie qui est pensée en termes de se protéger. Après ça, vous dites, je veux créer quelque chose. Il ne vous reste plus de jus pour créer. Vous n'êtes plus capable de créer. Vous êtes à terre à vous protéger. Fait que, tu sais, se protéger, c'est qui les gens qui innovent dans la vie? C'est les gens qui prennent ce que vous autres appelez des risques, alors que pour moi, c'est des gens qui appliquent une certitude dans leur vie en n'ayant pas peur d'eux. Fait qu'en n'ayant pas peur d'eux, ils ont la certitude de faire quelque chose avec les énergies qu'ils disposent. Puis plutôt que de prendre 90 % de leurs énergies à se protéger, ils en prennent un 30-40 % pour se protéger, puis ils en mettent 60 % pour innover, créer puis développer. C'est simple de même. Là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui garantit qu'ils vont s'occuper de moi? Ah! Écoutez bien, là. On est, je ne sais pas combien de milliards sur la planète, puis tout le monde a les forces dans le cul. OK? Il n'y a pas personne qui vit pas d'esprit. Tout le monde sur la planète a de l'esprit. C'est drôle, je trouve que ils ont de quoi nourrir. Hein? Je veux dire, si moi, je nourris 25 chats, je regarde les milliards qui s'occupent. Ils ont comme à en mettre pas mal d'un gamelle. Là, tu vas dire, oui, mais il y en a qui crèvent de faim. Ouais, mais ça, c'est des conditions karmiques. Fait que, il y en a qui vibrent antisocial dans une société qui va avoir la paix. OK, l'apocalypse s'en vient, c'est vrai. Mais si l'apocalypse s'en vient, tu vas quand même avoir des forces d'ordre qui vont vouloir conserver l'ordre. Puis ça, cette dynamique-là, d'ordre, tout le monde la veut. Fait qu'on est dans une structure sociale où la manifestation du contact va toujours s'en aller vers un ordre. Si vous avez le chaos dans votre tête, c'est pas le contact, c'est l'astral. Si vous faites astraliser, vous faites toujours polariser. Donc, vous êtes confronté à la problématique du bien et du mal, du vrai et du faux, énergie de contraction, énergie d'expansion. Pensez en termes d'énergie de contraction, énergie d'expansion. L'intelligence est expansive, le mal est contractif. Contractant. Je ne sais pas trop comment le dire, là. Vous fouillez dans le dictionnaire. Mais c'est deux énergies qui travaillent ensemble. Donc, pensez pas à éliminer le mal. Pensez en termes il faut beaucoup d'intelligence pour neutraliser le mal. Et que le mal est aussi nécessaire à développer votre volonté que votre intelligence se présente. Une personne qui aurait peur du mal serait automatiquement confrontée au mal pour se débarrasser de la peur du mal et développer la contenance et l'intelligence qui va venir par la suite pour pouvoir neutraliser ce facteur-là. La manifestation du contact, elle se manifeste par le biais de ces deux énergies-là. Donc, le contact peut vous mettre dans une expérience difficile. Pensez pas, contact, force, ange gardien, ça va pas ensemble. Ils peuvent vous mettre dans une expérience difficile. Si vous êtes assez intelligent pour voir que c'est un test, ça va diminuer la pression du test parce que vous êtes déjà être capable d'appliquer un contact avec eux autres pour rendre intelligent le test. Quand je dis à des amis, je dis « t'es sur un test ». Un autre pourrait dire « t'es sur une initiation ». Le monde pense qu'il faut éviter l'initiation. Non, fais-y face. Parce que dans ton test, tu vas développer une colère, tu vas développer une électricité, tu vas accéder à une électricité pour développer, mais accéder à une électricité que si tu contiens, tu vas avoir l'intelligence, tu vas avoir la communication, tu vas même avoir un environnement qui va te suggérer des réponses pour pouvoir te sortir de la situation maladive là, ou problématique. Bon, l'autre aspect, les forces qui ne peuvent pas vous passer à vibration, ils vont vous la passer à vibration, mais s'ils ne peuvent pas la faire descendre jusqu'au terminal, jusqu'à la forme finale, au concret. Quand ils ne peuvent pas faire ça, ils passent par quelqu'un d'autre. Donc, si moi, personnellement, je n'ai pas de réponse sur une situation donnée, je vais automatiquement avoir une personne qui, dans mon environnement, ce n'est pas nécessairement des gens que je connais, ça peut être des étrangers, ils vont me la donner, l'information. Fait que ça peut être des fois, je m'en vais manger au restaurant, puis une serveuse va me dire une petite phrase, puis c'est la réponse à mon questionnement. Comprenez-vous? Donc, je vous le dis, si vous avez des problèmes avec les forces parce que vous êtes sur une charge émotionnelle, vous êtes polarisé, vous avez une défaillance, ça arrive. T'sais. Vous allez tout le temps voir les autres. Vous allez toujours avoir quelqu'un, même un étranger, qui va vous envoyer la petite phrase. Mais là, vous soyez assez wise pour y avoir la petite phrase. Puis si vous la pognez la petite phrase, là, vous allez trouver qu'il y a bien l'intelligence à travers le monde. C'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'être à travers les séminaristes là, pour pouvoir réellement vous illuminer. C'est sûr que vous allez me dire, c'est quoi l'avantage d'être avec les séminaristes? Bien, c'est parce que tu peux poser des questions directes. Vous dites, va donc par en dedans, puis demande-le donc que, tu sais, ou si. Puis bon, c'est sûr, il faut que vous soyez assez wise pour voir entre l'ego de l'autre qui veut vous diriger et celui qui va vraiment par en dedans, puis qui dit, ils me disent que. Il faut feuiller la nuance, parce que les séminaristes, à un moment donné, avec le langage, ils veulent bosser la vie de tout le monde avec ça. Il faut faire attention. Fait que ce que je mets ici en relief, c'est le fait que tout ce qui est dépersonnalisé dans vos rapports avec les gens peut être une source d'information bien intéressante. Mais quand la personne commence à articuler une logique philosophique autour de ça, faites attention, c'est peut-être pas la bonne personne pour pouvoir avoir de l'info que vous n'avez pas parce que vous avez de la misère à le vibrer, ou vous le vibrez, mais vous avez de la misère à vous l'expliquer. Il y a bien des affaires, souvent, qu'on cherche à comprendre, puis que ce n'est pas nécessaire de comprendre, il faut juste le faire. Puis souvent, on le fait après. Moi, dans mon expérience avec le contact, souvent, j'étais obligé de le faire pour savoir pourquoi il me le faisait faire. Mais il ne me le disait pas avant de le faire. Fait qu'il fallait que je le fasse, puis après l'avoir fait, il me l'expliquait. Puis souvent, il me l'expliquait après que ce que j'ai fait ait fait un résultat, qui n'était pas toujours ce que je prévoyais être le bon résultat. Il ne faut pas que tu aies d'opinion sur comment ça doit être fait. Il faut simplement que tu vois qu'est-ce qu'ils font avec toi. Puis souvent, ce qu'ils font avec nous autres, c'est quelque chose qui est en dehors de notre contrôle égoïque. Moi, j'implique le contrôle dans le comprendre. Comprendre, c'est du contrôle, OK? Et quand on comprend les choses, je ne pensais pas que c'est plus facile parce que vous comprenez. Bien souvent, il est mieux que vous ne compreniez pas puis que le faisiez pour ne pas vouloir interférer dans le processus. Il y a des situations, des fois, c'est bon de le comprendre avant, mais c'est strictement pour vous rassurer là, au niveau émotionnel. Mais ce n'est pas comme ça qu'il procède. Bien souvent, là, 80 % du temps, tu le fais, tu as l'explication après. Tu n'as pas l'explication avant. Il ne vous donne pas de garantie. Écoute, la job, c'est de vous éliminer la peur. Fait que, éliminer la peur, c'est d'être capable de sentir la certitude, vibrer la certitude, pas avoir des idées toutes faites. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que c'est dangereux quand tu ne vibres plus, même si tu comprends. Tu dis, ah, ben moi, j'ai toujours été capable de... Ouais, mais été capable, c'est au passé, ça, là, c'est pas actuel. Les forces, quand ils te font vibrer une réalité, pas une vérité, pas quelque chose que tu savais il y a 6 mois. Ce que tu étais capable de faire il y a 6 mois, c'est quand tu vibrais il y a 6 mois. Là, quand tu vibres aujourd'hui, c'est quoi la game? Vous me suivez? Bon, vibrer, penser, agir, ça, c'est les forces. Toute votre action tourne autour du concret. Votre finalité dans l'action va toujours être concrète. Vous vibrez, c'est abstrait. Vous pensez, c'est abstrait. Il y a juste l'action qui est concrète. Fait que si vous coupez vibrer, penser de l'action, vous n'aurez jamais rien de concret des forces. Vous allez être obligé de suivre la vague de la collectivité, comme bien du monde. Être sûr du groupe. Ils font, eux autres. On va le faire. Ils font, eux autres, on va le faire, là. Ça, c'est pas vibrer toi avec eux autres. Ça, c'est vibrer la masse avec ce qui se passe dans la rue. Fait que tu peux être pris dans une mise en vibration très émotionnelle, très astrale, qui ne représente pas qu'est-ce que toi et ta source fait. C'est très individuel, la source. Très, très. ça se mêlait à d'autres qui sont aussi très individuels. Fait que moi, je suis très individualisé. Quelqu'un comme Gilles, exemple, me parle de quelque chose. Il y a une lecture, mettons, individualisée, puis ça rejoint mon individualité. On va faire quelque chose ensemble, mais on n'est pas soudés ensemble. Tandis que dans l'âme, ça soude, ça s'attache, ça se crée des liens, ça s'oblige à. Il n'y a pas ça dans la mise en vibration. La mise en vibration, c'est pour une étape. Tu fais des étapes ensemble. Ça peut être des longues étapes, ça peut être des petites étapes, mais c'est toujours étapiste. Il n'y a pas de problématique quand ça coupe. Tandis que dans l'âme, quand ça coupe, c'est tellement collectif que là, tu te dis, comment je vais m'en sortir si tu n'es pas là? Tandis que quand tu ne vibres pas quelque chose, tu te dis, bon, ben, c'est mon temps pour mourir. That's it. Final. Pas plus compliqué que ça. Voilà ailleurs. C'est fret, hein? Tandis que l'autre, tu sais. Si c'est assez concret, si vous auriez voulu qu'on vous dise, bon, ben les forces avec ça, on peut faire un plancher dans une cuisine, on peut changer les bols de toilette. Ouais, tu réfléchis parce que tu es bouleversé, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Moi, personnellement, ma recette à moi, c'est de parler avec d'autres. Moi, je suis en situation de choc. J'ai pas beaucoup de situations de choc dans la vie, là. Mais quand il m'arrive une situation de choc, en général, c'est de parler avec d'autres. Moi, je fais du vacuum à communiquer. Parce que c'est pas important ce que je parle. Ce qui est important, c'est ce que je vibre. Fait que si je vibre puis je suis polarisé, ou évidemment, si je suis en crise, c'est sûr que je suis polarisé. Fait que je me cherche un environnement ou une personne ou un groupe de personnes qui est neutre par rapport à la situation. Puis... je le débourre avec ces gens-là. Puis là, ces gens-là, ils vont parler d'autres choses. Mais juste leur état mental, ça me permet de retrouver mon équilibre. Ça fait bien longtemps que j'ai passé le trip de vouloir comprendre les choses avec du monde. Là, t'sais. Moi, c'est plus... Aujourd'hui, c'est d'être avec des gens équilibrés qui est mon avenir. Mon avenir, moi, c'est pas d'avoir des gens qui sont nécessairement connaissants, habile ou ci ou ça, là. C'est d'avoir des gens qui ont accès, idéalement qui ont accès à la source, c'est évident, c'est mieux, là. Mais sinon, c'est d'être avec des gens qui sont équilibrés, qui sont balancés, tu sais, que c'est, puis de faire des activités avec eux autres. Le plus possible actif, le moins possible passif. C'est comme je te dirais, si tu vis une crise, va parler avec quelqu'un qui est bien neutre par rapport à ce que tu vis, puis vis ça en marchant ou en allant magasiner ou en allant voir un film. Reste pas à une table à blablabla. À moins que la personne soit bien mentale, là, tu vas peut-être avoir du fun à parler au restaurant. Mais idéalement, si vous vivez des situations qui sont malaisées, c'est d'être dans l'action, d'être dans un mouvement pour que le mouvement accompagne la mise en vibration. Alors, moi, je te donne ma recette, là. Bien, écoute, comprendre, c'est une partie de la solution, mais c'est pas ça qui va te faire... Il te faut un terminal quand tu es en crise. Un terminal, c'est une action. Il y en a, ils vont manger, il y en a d'autres qui vont broyer, il y en a d'autres qui vont vivre, n'importe quoi qui est physique, OK? Pour vivre ça à travers le terminal. Mais si la crise est trop grosse, il faut que tu sois dans une action. Mais allez dans l'action. Arrêtez de vouloir intellectualiser votre vie. Là. Ça se passe vite, ça. Avant d'agir, d'être en action, ça se passe bien vite avant que tu arrives à... Je comprends, mais là, tu me demandes, dans une situation de crise, ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien, je t'en donne une solution. Si t'en veux une autre, invente-la. Là. Ça veut dire être en action. Écoute, comprends ce que tu as à comprendre. Là. Moi, je t'ai donné ma solution. Je t'ai dit, moi, il faut que je ventile. Quand je fais quand je suis dans une situation de crise, j'ai besoin de ventiler. Ventiler. Ça dit-tu quelque chose, ventiler? Ça dit moins contracté. J'ai besoin de quelque chose d'expansif. Quand je suis dans une situation d'extrême contraction, j'ai besoin de faire un mouvement d'expansion pour neutraliser l'énergie de contraction. Une crise, c'est une énergie de contraction. Il faut que je me libère de la contraction. OK, je te pose une question. Tu as peur, tout simplement? Mais as-tu des peurs raccordées à des pensées? Oui, virer folle, peut-être. OK, virer folle, ça, c'est un manque de mobilité. On vient fou quand on n'est pas mobile. La folie, c'est une extrême contraction sur un sentiment d'impuissance. C'est là qu'on vient fou. C'est ça qui attend les gens dans les temps futurs. Les gens vont être de plus en plus immobilisés, manque d'argent, manque de ci, manque de ça. Ils vont tous manquer de quelque chose d'extrême. Puis les gens, s'ils perdent leur mobilité, regarde le gaz. Ça, si les prix de l'essence auraient monté excessivement, les gens auraient perdu de la mobilité. Puis ça aurait créé de la folie dans la société. Fait que ce que je t'ai donné comme info, là, de pouvoir ventiler, là. C'est toujours un mécanisme. Jamais oublier que peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est toujours un mécanisme. Je te l'ai expliqué, là. La folie, c'est une extrême énergie de contraction où, à un moment donné, tu perds ta mobilité. Fait que ça se reproduise à tous les deux jours. Si tu sais que être mobile, c'est la solution, il n'y a plus de problème. Assez qu'à un moment donné, tu vas développer un mode de vie qui va être axé sur la mobilité pour arrêter que ça se produise. Parce que tu vas savoir que c'est une mécanique. Comprends-tu? OK. C'est ça. Tout est mécanique. Tout ce qui se passe avec les forces, c'est de la science. Tu pèses les pitons, ça donne ça. Même vivre à deux, c'est un jeu d'enfant, vivre à deux. Vivre à deux, c'est tout aussi simple que de prendre l'autre tel qu'il vibre. Tu ne deals pas avec ce qui était, tu deals avec ce qui vibre. Puis là, tu peux vivre avec n'importe qui, à deux, avec ce qui vibre. Mais si tu vas dealer avec ce qui vibre, ben là, reste ami ou reste dans un contexte orbital.